Théorie de Kant sur la religion dans les limites de la raison. Seconde partie. Il y a dans l'homme un bon principe qui combat contre le mauvais pour dominer en lui. La méchanceté radicale, ou le mauvais principe, est opposée à la sainteté qui représente le bon principe, c'est-à-dire à la perfection morale de la nature humaine, par le penchant ou bien, cette perfection est possible pour tout homme, elle est même, en vertu de la loi, une nécessité absolue. Ce bon principe est un idéal en ce qu'il ne représente pas l'humanité telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être. L'homme, en conséquence, au point de vue de cet idéal, est supposé adopter la loi dans ses maximes suprêmes, et la suivre, comme motif déterminant dans toutes ses résolutions. Cet idéal est le seul de son genre, en tant qu'il a pour la volonté une réalité objective, en tant qu'il est pratique, c'est-à-dire nécessairement imposé par la loi morale, qui prescrit à chaque homme de le réaliser en lui. Il peut, en effet, le réaliser, objectivement, par une tendance progressive à l'infini, et subjectivement par l'adoption de la loi morale dans sa plus haute et plus générale maxime, au moyen de laquelle il se pénètre du sentiment de cet idéal. Dans ses rapports avec la divinité, l'idéal pratique et nécessaire de la sainteté d'être raisonnable et fini, doit s'offrir à la pensée dans les définitions suivantes. Premièrement, à l'égard de son origine, cet idéal est comme existant en Dieu de toute éternité. N'ayant pas été créé mais engendré, il émane du caractère essentiel de la divinité, que l'on ne peut concevoir, si ce n'est comme la moralité sans borne. Il est le Fils unique de Dieu. Deuxièmement, à l'égard du monde, cet idéal est comme le but de la création, comme la parole, le qu'il soit, parole qui a fait que toutes les autres choses sont, et sans laquelle rien de ce qui est fait n'existerait. C'est le reflet de la splendeur divine, c'est en lui que Dieu a aimé le monde. Troisièmement, à l'égard de la nature humaine, c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait mais qui a pris place en elle, sans que l'on puisse comprendre comment elle a pu être susceptible de le recevoir. Il est comme quelque chose qui du ciel est descendu sur la terre, et que l'humanité a reçu en elle. La parole est devenue chair, elle a habité en nous, et comme à son origine, la sainteté est exclusivement le caractère de la divinité. La nécessité pratique de cette sainteté dans l'homme, s'offrira sous l'image de la divinité descendant jusqu'à l'homme dans l'état d'abaissement du Fils de Dieu, s'unissant à lui, élevant l'homme à la divinité. Par cet idéal pratique de la sainteté, nous apprenons encore ce qu'il nous est seulement possible et ce qu'il nous est indispensable de savoir sur la divinité. Nous apprenons à connaître la volonté de Dieu, et, par son accomplissement, à l'aimer de la seule manière qui soit digne de lui. C'est ainsi que par le Fils on parvient au Père. Personne n'a vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a fait connaître. L'acceptation réelle du sentiment de cet idéal est la condition unique à laquelle on peut plaire à Dieu, et le moyen certain de lui plaire. Il a donné à tous ceux qui l'ont accepté le pouvoir d'être enfants de Dieu. Cet idéal, comme type de ce que nous devons imiter, autant qu'il est possible à un être dépendant de ses penchants et de ses besoins, nous ne pouvons nous le représenter que sous l'idée d'un homme qui, sous le rapport physique, est semblable à tous les hommes autant que sous le rapport moral, il est semblable à la divinité. On doit donc se le représenter soumis à tous les penchants, à tous les besoins de la sensibilité, mais comme la force morale, dans ses manifestations empiriques, ne peut se montrer que par la lutte contre les obstacles, et manifester toute sa puissance que par le triomphe qu'elle obtient, on devra aussi se figurer le divin modèle, comme éprouvé par les plus violents combats, par les séductions les plus attrayantes, et prenant sur lui toutes les souffrances jusqu'à la mort la plus ignominieuse, pour ennoblir l'homme, et même pour le bien de ses ennemis. La persuasion que cet idéal a une réalité objective, qu'il existe véritablement dans la nature humaine. Voilà en quoi consiste la croyance en un Fils de Dieu qui s'est revêtu de la nature humaine. La persuasion qu'il est nécessaire que nous adoptions des sentiments conformes à cet idéal, est la seule foi au Fils de Dieu, la seule par laquelle nous soyons justifiés et sauvés. Celui donc qui a cette foi pratique au Fils de Dieu, celui qui a en son âme un sentiment moral tel qu'il peut croire, et avoir la conscience fondée en lui, que dans de semblables tentations, de semblables souffrances, qui sont comme la pierre de touche de la foi en cet idéal, il s'attacherait invariablement au type de l'humanité, et suivrait fidèlement son exemple. Celui-là, seul, est en droit de ne pas se croire un objet indigne de la bienveillance divine. L'homme parfait serait entièrement juste et agréable à Dieu par la foi pratique en son Fils, mais comment cette foi pratique peut-elle nous justifier, nous qui sommes si imparfaits? Cette justification en tant qu'elle est fondée sur une vie qui, conformément à cet idéal, serait exempte de faute, comment peut-elle être aussi notre justification? Trois difficultés semblent s'opposer à ce qu'on puisse le comprendre. La première difficulté à l'égard de la réalité de cette foi, qui justifie et sauve l'homme par l'observation constante de la loi morale, paraît consister en ceci. Il est dit dans la loi, « Soyez saints dans votre conduite sur la terre, comme votre Père céleste est saint. » Or, nous autres hommes, nous ne faisons qu'avancer d'un bien imparfait à un bien moins imparfait, et il en est ainsi, lors même qu'ayant adopté la loi morale comme maxime suprême, nous sommes par elle, dans les sentiments de cet idéal pratique et nécessaire. Or, comment se pourrait-il qu'aux yeux du saint législateur, ces bons sentiments puissent compenser l'imperfection des actes? Pour résoudre cette difficulté, il faut considérer que l'acte est toujours défectueux, et qu'il n'est apprécié par nous autres hommes, qui dans les idées du rapport des causes à l'effet, sommes inévitablement restreints aux conditions du temps, que comme un progrès perpétuel du défectueux au mieux, en sorte que le bien, dans sa manifestation, c'est-à-dire dans le fait, doit nous paraître comme une expression insuffisante de la loi sainte. Mais le scrutateur des cœurs, ne considère que l'intention, qui est la source des faits, qui ne tombe pas sous les sens. Il y voit le progrès soutenu d'un bien imparfait à un bien plus parfait, jusqu'à l'infini, dans une intention pure et intellectuelle. Dieu saisit le fait et la conduite de la vie, comme un tout complet, il en juge en conséquence comme d'une chose parfaite. La foi pratique au Fils de Dieu est donc le fondement de l'espérance que, malgré l'imperfection nécessaire de nos actes, nous serons jugés saints par celui qui est la sainteté même, en vertu de l'adoption de ce sentiment sacré qui est la source de nos progrès indéfinis vers le bien. La seconde difficulté à l'égard de la réalité de la foi qui justifie et sauve, se trouve dans la question suivante. Comment l'homme peut-il s'assurer d'un sentiment constant et toujours progressif dans le bien? La seule conscience de la pureté du sentiment actuel, ne donne point encore l'intime persuasion de la persévérance dans le bien, elle pourrait plutôt conduire à une dangereuse confiance en soi-même, s'il ne s'y joignait l'observation que dès l'époque où les bons principes ont été adoptés, la conduite a été meilleure. Ce signe peut seul nous faire, avec raison, espérer que nous nous sommes améliorés réellement, et que si notre conduite garantit la sincérité de nos sentiments, la bonté divine nous donnera les moyens d'y persévérer. La troisième et la plus grande difficulté de la justification de soi-même est celle-ci. Quelques degrés de perfection et de persévérance qu'est le nouveau sentiment dont on s'est pénétré, et la conduite qui en est la conséquence. L'homme a néanmoins commencé par le mal, et c'est là une dette qu'il était jamais impossible d'acquitter. Il ne peut considérer les anciennes dettes comme soldées, parce qu'il n'en contracte pas de nouvelles après sa régénération. Encore moins peut-il, par la persévérance dans une bonne conduite, se procurer un excédent propre à l'acquitter, car en tout temps son indispensable devoir est de faire tout le bien dont il est capable. Enfin, aucune autre personne ne peut la payer pour lui, car elle n'est pas transmissible comme une dette d'argent, mais étant contractée par le péché, c'est de toutes les dettes la plus personnelle, elle retombe sur le coupable, et l'innocent ne peut le délivrer, fût-il assez généreux pour s'en charger. Cette difficulté se résout de la manière suivante. Il faut que la justice suprême soit satisfaite, le mal doit être puni, mais cette punition résulte nécessairement de la conversion du coupable, en tant qu'elle est l'abandon du mal, et l'adoption du bien, ou le dépouillement et la mort du vieil homme, pour revêtir le nouveau. Le passage du mal au bien est un sacrifice en soi, et comme la mort du vieil homme, le crucifiement de la chair, comme le commencement d'une longue série de maux, que l'homme régénéré s'impose pour l'amour du bien moral. Or, ces maux sont le châtiment d'un autre, c'est-à-dire du vieil homme qui, moralement, est distinct de l'homme nouveau. Et comme la sincérité de l'homme nouveau se prouve en ce qu'il accepte volontiers toutes les peines, tous les maux qui, pour le vieil homme, résultent de la bonne conduite dans laquelle il persévère, l'homme a l'espérance fondée que par l'adoption de ce sentiment de sainteté, la justice de Dieu sera satisfaite, à l'égard même des fautes dont il s'est rendu coupable avant cette adoption. D'après cette déduction de l'idée d'une justification de l'homme coupable, il est vrai, mais qui a passé à des sentiments agréables à Dieu, le sentiment contenu dans l'idéal de la perfection morale de l'homme, est donc la condition de notre sainteté, fait notre force dans le bien, et notre justification, et son adoption fonde, commence et effectue le progrès indéfini d'une vie meilleure. C'est ainsi que par le Fils de Dieu nous sommes sanctifiés, pardonnés et justifiés, par sa sainteté parfaite, il supplie à ce que nos actes auront en tout temps de défectueux, il nous accorde une assistance nécessaire pour persévérer dans le bien, il nous délivre de la dette du péché. De cette déduction résulte encore l'idée de la rédemption, de la satisfaction substituée, qui comprendra, sous le rapport moral, l'idée de la délivrance nécessaire du châtiment qu'on a mérité, et enfin l'idée de la rémission des péchés. Mais cette rémission est par là expliquée de la seule manière qui puisse se concilier avec la morale, savoir, comme une faveur que l'on peut seulement obtenir par un changement sincère du cœur, sans lequel toutes les expiations soient secrètes, soient solennelles, toutes les invocations et adorations, même celles qui s'adressent aux représentants de la sainteté, sont impuissantes, soit pour en tenir lieu, soit pour en augmenter la valeur lorsque le changement est effectué. La conséquence de cette déduction est d'un côté la consolation, et de l'autre un jugement sévère de soi-même qui met en garde contre une sécurité fausse et assoupissante. L'Écriture sainte expose, sous la forme d'une histoire, la lutte entre le bon et le mauvais principe. Elle représente deux principes qui sont dans l'homme aussi opposés que le ciel et l'enfer, comme des personnes existant en dehors de lui. Non seulement ils essaient l'un contre l'autre leurs forces respectives, mais ils tâchent de faire valoir le droit de leurs prétentions devant un juge suprême. D'après cette exposition historique, l'homme avait été originairement mis en possession de tous les biens de la terre, néanmoins il n'était à lui qu'à titre de vassalage, dominium utile, dont son créateur et maître était le suzerain, dominus directus. En même temps est mis en scène un être malfaisant, qui, après sa défection, ayant perdu toutes les possessions qu'il pouvait avoir eues dans le ciel, veut en conquérir d'autres sur la terre. Comme cet être méchant ne peut, en sa qualité d'esprit, jouir des objets terrestres et matériels, il tâche d'établir son empire sur les âmes et de rendre le père des hommes infidèle à son créateur. Il s'efforce de le mettre sous sa propre dépendance, c'est ainsi qu'il réussit à se rendre maître des biens de la terre, à s'ériger en prince de ce monde. Voilà donc en dépit du bon principe, l'empire du mal établi, et depuis Adam, tous les hommes s'y sont soumis eux-mêmes, par l'adoption du même sentiment, c'est-à-dire, de la perversité morale dans leur maxime suprême. Grâce à son droit légitime de domination sur les hommes, le bon principe se conserva chez les Hébreux sous la forme d'une théocratie dont les institutions reposaient en général sur la vénération publique attachée à son nom. Mais comme l'âme de ce peuple n'eut jamais d'autre mobile que les biens du monde, et ne put se soumettre qu'à des lois réglementaires, ou qui, ayant rapport aux mœurs, était accompagné de contraintes extérieures, et de cérémonies fatigantes. Ces lois ne pouvaient agir sur le sentiment moral qui n'y était pas même pris en considération. On conçoit donc qu'elles ne durent pas porter un grand préjudice à l'empire des ténèbres. À une époque où ce peuple était mûr pour une révolution, il s'éleva au milieu de lui un homme, dont la sagesse semblait descendue des cieux, et qui, lui-même, quant à sa doctrine et à ses actions, s'annonçait comme un simple homme, mais pourtant comme un envoyé du ciel, encore en possession de la primitive innocence. Il n'était donc pas compris dans le traité fait avec le mauvais principe et auquel le genre humain a pris part par son représentant le premier homme. En conséquence, il n'avait rien de commun avec le prince de ce monde, dont la domination se trouvait ainsi exposée à un péril certain. Ce dernier lui propose donc de l'investir de son pouvoir sur tous ses royaumes, si, le reconnaissant comme son souverain, il consent à lui rendre hommage. Cette tentative ayant échoué, il ne priva pas seulement l'étranger des choses qui eussent pu rendre sa vie agréable ici-bas, il suscita encore contre lui toutes les persécutions par lesquelles des hommes cruels pouvaient rendre cette vie affreuse, et des souffrances que l'homme de bien est seul capable de sentir profondément. La pureté de ses intentions, quant à sa doctrine, fut calomniée, et la mort la plus infâme en fut la conséquence. Au milieu des violences exercées contre lui, sa persévérance, la franchise de ses leçons et de son exemple, ne fournissent pas le moindre prétexte d'accusation à tous ces misérables dont il voulait le bien. Cette mort, le plus haut degré des souffrances de l'homme, était la représentation complète du bon principe, c'est-à-dire de l'humanité dans toute sa perfection morale, elle était comme un modèle offert à chacun, et qui pour ce temps, et pour tous les temps, peut et doit être de la plus grande influence sur l'âme humaine. Elle place sous nos yeux, dans un contraste frappant, la liberté des enfants du ciel, et l'esclavage d'un fils de la terre. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont connu, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il a, par son exemple, ouvert la porte de la liberté à tous ceux qui comme lui consentent à mourir à tout ce qui les tient enchaînés à la terre au détriment de leur moralité. Il se choisit parmi eux un peuple pour en faire sa propriété, pour exercer sur lui son empire, un peuple qui sera puissant en bonnes œuvres. Il abandonne ceux qui préfèrent l'esclavage moral. Quand on dépouille de son enveloppe mystique cette représentation animée, la seule qui, sans doute, fut populaire dans ces temps, il est aisé de voir que le sens intellectuel qu'elle renferme, a pour tout le monde et dans tous les temps, une valeur pratique et obligatoire, parce qu'il importe à chaque homme d'y reconnaître son devoir. Voici en quoi consiste ce sens caché. L'homme porte en soi l'idéal de la perfection humaine, son devoir est de le réaliser autant qu'il le peut, par la pureté morale de ses sentiments, aussi bien que par ses actions. La sensibilité n'y met point obstacle comme on l'en a si souvent accusé, car la tendance de l'homme au bonheur est légitime, mais elle doit être subordonnée au principe de la moralité. Par une certaine perversité ou méchanceté, peu importe le nom, dont l'homme seul est coupable, il renverse l'ordre moral de la maxime suprême. Il se soumet en esclave aux mauvais principes et devient nécessairement un objet de déplaisir pour la divinité. Mais il ne peut absolument redevenir bon et agréable à Dieu, subjuguer en lui le mauvais principe, et trouver la guérison, qu'autant qu'il adopte en entier dans l'intimité de son sentiment, l'idée de la perfection morale, la foi pratique au Fils de Dieu. Par l'effet de cette foi sur l'âme, l'homme acquiert la conviction que les puissances tant redoutées du mal, ne peuvent rien contre elle, les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle, pourvu que la bonne conduite soit pour lui le signe unique de la foi. Mais quiconque espère suppléer à cette confiance dans la foi pratique par des expiations qui ne supposent aucun changement dans le cœur, ou par de prétendues illuminations intérieures qui n'ont rien que de passif, celui-là se conduit en superstitieux ou en fanatique, et restera toujours éloigné du bien qui se fonde sur l'activité propre de l'âme. Celui qui nie l'autorité suffisante des règles du devoir, telles que la raison les a primitivement gravées dans le cœur de l'homme, à moins qu'elles ne soient sanctionnées par des miracles, trahit une incrédulité morale très répréhensible. Si vous ne voyez des signes et des miracles, vous ne croyez point. Mais lorsqu'une religion toute de culte et d'observance extérieure est arrivée à son terme, lorsqu'à sa place s'élève une autre religion fondée sur l'esprit des principes de la moralité, la pensée du vulgaire a besoin de se représenter cette religion nouvelle comme accompagnée et ornée de miracles dans sa partie historique. Car ces miracles annoncent la fin de la religion ancienne qui, elle-même, n'aurait jamais eu d'autorité sans les miracles. Il peut être utile aussi de présenter la nouvelle religion comme l'accomplissement actuel du modèle antique qui dans la vieille religion était le but final de la providence, afin de gagner ses adhérents à la nouvelle révolution. Dans de telles circonstances, Il ne peut être nullement utile de contester ce récit en cette interprétation, puisque la vraie religion subsiste, et peut se maintenir désormais elle-même par les principes de la raison. Peu importe donc que la personne du maître de la seule religion convenable à tous, soit un mystère, que son apparition sur la terre, son enlèvement au ciel, sa vie active et ses souffrances, aient été autant de miracles. Il importe même peu que l'histoire qui doit accréditer le récit de ces miracles, soit aussi un miracle. Nous devons respecter l'enveloppe sous laquelle a été répandue une doctrine dont l'authenticité repose sur un document impérissable, parce qu'il est dans l'âme de chaque homme, et n'a besoin d'aucun miracle. Tenons-nous cependant en garde contre l'idée que savoir, croire, et confesser des miracles, fasse partie de la religion, et soit un moyen essentiel de nous rendre agréables à Dieu. On doit combattre une telle opinion de toutes ses forces, parce que sans elle chaque homme peut devenir meilleur, et que par elle nul ne le deviendra jamais. Markemdanarchive.org 2021 d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.